ou peut-être que je me trompe, le 12 octobre. Le 12 octobre, où il y avait justement encore une journée organisée par le CSIA, puisque c'est justement le jour de la conquête de l'Amérique, la date anniversaire. Donc il y a à cette occasion encore eu beaucoup d'invités qui ont pu parler de cette lutte sur le continent américain. Donc on va commencer avec, comme je vous le disais, le conseiller spirituel de Léonard Peltier. On en a parlé régulièrement dans notre programme, on en parle régulièrement dans d'autres émissions, mais il faut toujours et encore en reparler. Je vous laisse, on va passer un petit hymne avant. Colorado, j'ai rencontré Léonard Peltier la première fois dans les rues de Denver, Colorado, en 1970. He's a young man like myself. I'm a Dene from Fort Defiance, Arizona. He's from Ojibwe, from Fargo, North Dakota, Turtle Mountain. Un jeune comme moi, moi je suis Dene de Fort Defiance, Arizona. Lui, un jeune Anishinaabe de Turtle Mountain. We became friends. On est devenus amis, on était jeunes, on est devenus amis par notre engagement commun dans l'American Indian Movement. Moi j'ai rejoint l'American Indian Movement à Denver sous le leadership de mon mentor, de mon maître, de Vernon Belkin. Nous sommes des amis, nous sommes des alliés, nous sommes des camarades, nous sommes des guerriers de l'American Indian Movement. En 1974, on a commencé les Danses du Soleil avec le Dust Rituel Leonard Crowdog. Et la Sun Dance est une des cérémonies les plus importantes de la nation Lakota. Lakotas, their medicine people, their spiritual leaders were Leonard Crowdog, Henry Crowdog, Frank Fools Crow. Et nos leaders spirituels, ce sont des gens. John Fryer. John Fryer, Leonard Crowdog, Henry Crowdog. So these were our teachers and our mentors, and Leonard and I became part of this movement. C'était nos enseignants, c'était nos maîtres, c'était nos mentors, et nous sommes devenus une partie intégrante du mouvement. And he's been incarcerated for 38 years. Leonard, ça fait 38 ans. And one of the requests of him, I visit him. The United States Penitentiary, Leavenworth, Kansas, the United States Penitentiary, Lewisburg, Pennsylvania, and 2 weeks ago I visited him, the United States Penitentiary, Coleman, Florida. Et ça fait 38 ans que Leonard Peltier est incarcéré. Je lui rends visite depuis le début. Je lui ai rendu visite dans toutes les prisons de haute sécurité dans lesquelles il a été incarcéré. Et dernièrement, il y a 2 semaines, à Coleman, où il est en Floride. It's through the sweat lodge ceremony, one of the ancient ceremonial practices of our people, a cleansing and purification ceremony, where we heat up the stones and pray with the water and the herbs of the sea. Leonard Peltier, c'est notre Nelson Mandela, c'est le plus vieux prisonnier politique aux États-Unis. Depuis plus de 26 ans, en tant que conseiller spirituel, j'organise, je fais des huttes de sudation, des sweat lodges, avec Léonard, où nous prions ensemble. C'est une cérémonie de purification dans laquelle pour donner quelques exemples, nous chauffons des pierres, on utilise l'eau, le feu, et c'est très important. C'est lui qui m'a demandé de venir en Europe pour informer sur la situation, pour mobiliser pour sa libération. Et je viens des Nations Unies, et c'est très important pour nous que la communauté internationale se mobilise pour obtenir la libération de Leonard, qui est vraiment symboliquement notre Nelson Mandela. He's Nelson Mandela. He's at this time one of the most famous political prisoners that's in the United States prison system. Leonard is incarcerated as a result of a very extensive campaign that was conducted by the Federal Bureau of Prisons. Nous sommes ici dans un cas qui est très important, dans le cas de Leonard Peltier, qui est, donc, vous le savez, depuis 38 ans incarcéré aux États-Unis. Comme je l'ai dit précédemment, c'est notre Nelson Mandela. Toutes les preuves de son innocence ont été apportées dans des cours de justice, mais malgré cela, il est toujours incarcéré. Il m'a demandé de venir, de témoigner, et c'est pour ça que je suis ici. Alors, le cas de Leonard Peltier a commencé pendant son extradition frauduleuse du Canada, parce qu'après les événements qui ont entraîné la mort de deux agents du FBI ainsi qu'un des membres de l'American Indian Movement, Leonard était parti au Canada, il avait demandé donc asile. et c'est là où il a été arrêté, et pour le faire extrader, il a été extradé sur les bases de fausses preuves, de preuves falsifiées données par le gouvernement américain. Lennart a été extradé aux États-Unis, où il est passé devant une cour fédérale pour le meurtre des deux agents. Et encore une fois, c'est sur la base de fausses preuves qu'il a été condamné. Sa condamnation, elle a été donnée en 77 dans le Nord Dakota, alors qu'il y avait eu un procès précédent de deux autres militants, Dino Butler et Bob Robidoux, qui avaient été jugés dans une autre cour de justice et qui avaient été relâchés sur les mêmes faits, puisque la cour avait reconnu la légitime défense, comme quoi ils avaient été attaqués par des gens qui ne savaient pas qui c'était, et qu'ils avaient répondu au coup de feu, et donc avaient tué les personnes. Il s'avère que c'était les agents du FBI, mais la défense de Dino Butler et de Bob Robidoux, les co-accusés de Lennart Peltier, a réussi à faire en sorte que le cas de légitime défense a été reconnu. Lennart, lui, est passé par une cour de justice différente dans le Nord Dakota, par un autre juge, et il a été condamné donc à deux peines à vie consécutives pour le meurtre au premier degré, mais ainsi pour complicité. Aujourd'hui, les preuves de son innocence ont été amenées, on ne peut plus, même le gouvernement américain reconnaît qu'il ne peut plus prouver qui a tué les agents, mais il y a un groupe qui reste association de malfaiteurs d'avoir aidé à un meurtre. Mais aider qui? Puisque ces deux co-défendants ont été acquittés sur la base de la légitime défense. Donc, malgré cela, Lennart est toujours incarcéré, et c'est pour cela qu'il m'a demandé de voyager. Nous étions récemment aux Nations Unies parce qu'on lui m'a demandé d'y aller. Et tout à l'heure, j'ai mentionné les Alpes suisses, les montagnes, parce que pour nous, fait partie de notre médecine traditionnelle. C'est avec l'eau de ces montagnes qui est sacrée pour nous qu'il y a de nombreuses cérémonies. Et donc, tout est interconnecté dans le combat que l'on fait. Et, They want to honor the human rights of not only the Indian people, the indigenous people, but the other human beings, the five-finger people. And I just want to. Donc, comme je vous l'ai dit, le cas de Lennart Peltier, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je l'ai rencontré à Denver, qu'on a rejoint l'American Indian Movement. Donc ça fait 43 ans qu'on s'est rencontrés sur une action de l'American Indian Movement. Et comme je l'ai dit, Lennart, depuis 38 ans, est incarcéré. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, que ce soit d'aller chercher le soutien au niveau des Nations Unies, mais aussi avec les différentes organisations ou même des gouvernements, puisque actuellement, alors qu'il a passé 38 ans de sa vie et qu'il a maintenant 69 ans, il est temps de le sortir de prison, et donc c'est une campagne qui est importante pour nous, importante pour moi, et une des façons qu'on voit la plus rapide pour le faire sortir serait une grâce présidentielle par le président Obama. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien, du soutien international. Et récemment, nous avons aussi appelé au Congrès national des Indiens d'Amérique, qui est la plus ancienne organisation amérindienne qui représente les conseils tribaux de tous les États-Unis, à prendre une position pour demander la grâce présidentielle pour Lennart Peltier. Moi-même, j'ai été à Portland à leur dernier congrès et on a réussi à obtenir une résolution qui demande cette grâce. Je suis un homme qui a été un homme usado quando é de estado de do chayat eita de não aí os incis do chayat eita os de não aí de não e menina de quem chania de benja que já a desse Le pasteur a parlé longuement donc sa langue en dîner et il a dit mais qu'il s'excuse de ne pas pouvoir parler français mais qu'il serait beaucoup plus ça serait beaucoup plus simple pour lui de parler dans sa langue traditionnelle donc le dîner mais ce qu'il veut souligner c'est que cette campagne pour lui elle est importante parce qu'on lui a demandé de le faire importante parce qu'il veut voir son frère de lutte le Narpétier libéré au jour d'aujourd'hui personnellement il a participé donc à ce mouvement donc Lenny Foster était présent lors de l'occupation de l'île d'Alcatraz en 1969 qui a lancé cette résistance indigène en Amérique du Nord et ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui il était présent en 72 à Washington quand l'American Indian Movement a occupé un bureau fédéral, le bureau des affaires indiennes. C'était la première fois que des Indiens ou même que d'autres mouvements radicaux aux États-Unis occupaient un bureau fédéral et le gardaient pendant plusieurs jours. Il a participé ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à l'occupation de Wounded Knee en 1973 avec une défense de la communauté très radicale. Et où, entre le 27 février et jusqu'au 7 mai, donc les Lakota ont pris, avec le soutien de l'American Indian Movement, une partie de leur réserve et se sont déclarés indépendants, autonomes du gouvernement américain. Il a participé ensuite à la plus longue marche qui a traversé les États-Unis d'Alcatraz jusqu'à Washington, où, encore une fois, c'était le cas de Bernard Pelletier qui était incarcéré, a été mis en avant, ainsi que plus de 300 traités qui ont été signés avec les nations indiennes en Amérique du Nord et qui n'ont jamais été respectés. Donc voilà, ça ce sont les campagnes auxquelles il a participé. Et pour lui, aujourd'hui, d'être ici, de voyager au niveau international sur la campagne pour la libération de Pelletier, c'est une campagne qui est primordiale au jour d'aujourd'hui pour lui, à la fois un frère de lutte, mais aussi un symbole. Prison after 38 years. We would appreciate your help. You know that today we all use the internet. So get on the internet. Comme vous le savez maintenant, c'est très facile de communiquer. On peut communiquer par internet et on vous appelle, nous, à vous mobiliser déjà à connaître le cas de Léonard et aussi à réagir si vous allez sur le site de la Maison Blanche, envoyer des emails, vous trouvez un numéro de téléphone, vous appelez, vous demandez cette grâce présidentielle parce que Léonard, que j'ai visité il y a 2 semaines, m'a dit « Je sais que je ne puis pas longtemps, je suis âgé. » et que je vais mourir, mais en fait je n'ai pas peur de mourir, mais la seule chose que je te demande c'est de faire en sorte que je ne meure pas en prison. Donc voilà, donc c'est ça mon action, et le message que je veux vous dire c'est que il est d'importance de se mobiliser. Alors acheter pourquoi pas un t-shirt avec le nom de Léonard Pelletier sur dessus, et puis aller à la Tour Eiffel ou que vous alliez dans Paris, faites connaître ce nom, son cas, et faites en sorte que les gens vous demandent qui il est, et vous êtes maintenant devenus de ces messagers pour obtenir sa libération. Et donc mobilisez-vous par quelconque moyen qu'il soit, soutenez les coopératives, les gens au niveau local qui se mobilise, parce que Léonard, c'est toujours quelque chose qu'il a soutenu, cette autonomie et le fait d'entreprendre des choses et de créer des choses et de faire des choses. Donc cette mobilisation elle va à la fois de vous, mais elle va aussi aux personnes qui viennent de naître, comme le bébé qui est là dans cette salle. Nous sommes tous liés et tous importants. Et donc nous devons nous mobiliser dans cette action pour libérer mon frère Léonard. J'ai encore... ma langue est traditionnelle et dîner, c'est pour ça que je voulais finir avec, avec quelques mots pour lui, pour se souvenir de lui dans ma langue traditionnelle. Et je laisse la parole à Thibaut ou à Ron si vous It's very important. You can do your share by doing that. You have a blessing as an innocent, that baby that was here that was crying. You know, they're innocent, very powerful. Yeah. Do artiso, do koi ehasido, do you could anhi katos, which ashonlen hidishne, ashonlen to then in chanto das. Chego tazo, juanto tazo, y gut abatido, chichiche y gut a payestido, sali gut a islado. Thank you. 106.3 Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes. On continue le programme. Donc, si jamais justement vous voulez réécouter le programme, vous pouvez taper sur. Jungle des luttes, vous tombez sur le blog et vous pouvez avoir accès à toutes nos émissions de radio. Donc d'ici quelques jours, ce sera en place. C'est Greg à la technique qui s'occupe toujours de ça. Et vous avez sinon la possibilité de passer par le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Et donc là, il y a un lien sur émission de radio. Donc si vous voulez réécouter justement l'intervention du conseiller spirituel tel qu'on le présente de Léonard Pelletier, voilà, si vous voulez surtout vous mobiliser. Donc là, Lise, tu peux nous rappeler le rendez-vous. Oui, il y a donc des manifestations chaque mercredi à partir de 18h près de la station de Concorde. C'est près de Tuileries parce que c'est vraiment à grande distance de l'ambassade des États-Unis puisqu'en fait, c'est destiné à manifester contre l'État des États-Unis, contre le gouvernement états-unien. Et donc, tous les mercredis, à partir de 18h, vous pouvez rejoindre la manifestation en faveur de Léonard Pelletier et de sa libération. Merci Lise, on va faire une petite pause musicale. Par contre, n'oubliez pas, on continue toujours le programme avec justement Geneviève qui nous parlera de l'accompagnement du prisonnier Thomas Loujane aux États-Unis, prisonnier également depuis plusieurs années, des dizaines d'années. Musique et on continue. 3 fréquences Paris Pluriel, la jungle des 8. On continue avec Geneviève qui donc va prendre le temps de nous raconter justement son histoire, son accompagnement. Comment ça a commencé justement, Geneviève, raconte-nous cette relation avec ce prisonnier, cette relation forte qui en fait fait partie de la lutte, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin seulement de lutte juridique. C'est vrai que c'est important d'avoir une famille, des amis, une solidarité qui s'installe autour et qui te permet de résister à l'intérieur des prisons. Et donc justement, Geneviève, t'as justement un prisonnier qui t'accompagne depuis longtemps. Eh bien, ça commence en 1996, où nous avons eu un signalement d'une Indienne du Canada qui se chargeait des droits des prisonniers, des droits religieux des prisonniers, et à qui on avait signalé un homme qui allait très mal. Ça avait coïncidé avec son passage du régime général carcéral en haute sécurité. Pourquoi la haute sécurité ? Eh bien, on lui reprochait de faire partie de gangs, chose qu'il a toujours réfutée. Et en 1996, après 10 ans de ce nouveau régime, eh bien, il tombe malade. D'éminents psychiatres américains ont d'ailleurs fait des études à ce sujet, en parlant justement de symptômes hallucinatoires que certains prisonniers, à la suite d'une trop longue isolation sensorielle, peuvent avoir. Alors, en 1996, Thomas Lourhan, vraiment dans un état pas possible, s'ouvre les veines. Au passage, il se taille aussi les tendons. Enfin, on l'a emmené se faire recoudre à l'hôpital, puis on l'a ramené sans aucun accompagnement médical dans sa prison, que sa propre envie personnelle de se sortir de là. Alors, à la commission prisonnier, on a donc décidé de créer un accompagnement de ce prisonnier, c'est-à-dire déjà de lui permettre d'avoir quelqu'un à qui écrire, avec qui parler. Et ça a donc commencé après cette histoire-là difficile pour lui. Et il a répondu d'une manière extrêmement rapide tout de suite en manifestant son contentement de voir des gens qui voulaient s'occuper de lui. Et ça a coïncidé justement avec les questions qui s'étaient posées à la suite de ce qu'il avait subi, hein, quand il s'était ouvert les veines. Et là, il a eu le courage de porter plainte. Alors, il porte plainte pour des traitements cruels et inhumains contre le SMU, où il est enfermé depuis 1987. Et il demande son retour en population générale. Alors, le CSIA le soutient dans sa démarche, par courrier aux juges et campagne de pétition. À notre grande surprise, la plainte a été jugée recevable, ce qui est assez rare. Et ça nous a donné à tous une certaine, un certain espoir que ça allait bien se passer. Mais donc elle a été jugée recevable en novembre 2003 et en juin 2005, la motion est rejetée. Le jugement prévu en juillet n'aura pas lieu sous prétexte que Thomas ne fournit aucune preuve des mauvais traitements en violation du 8e amendement. Bon. Alors là, moi, je me demandais comment on allait le récupérer. Alors, on a tous écrit. Enfin, ça commençait à aller mieux malgré ce choc. Et puis, en 2006, j'ai pu le voir. Je suis allée aux États-Unis avec une amie parlant beaucoup mieux l'anglais que moi, heureusement. Et on a pu parler avec lui pendant 2 heures. Ça a vraiment été un très grand moment. Où il a commencé par se soucier de nos familles. Il a voulu qu'on parle de nos familles, de nos amis. Et c'est moi qui lui ai dit au bout d'un moment, mais et si on commence à parler de vous, enfin. Alors, on a... Il y a eu une détente immédiate. Il y a même à un certain moment où on a ri ensemble. Et alors tout d'un coup, il s'est arrêté et il nous a dit « Mais vous avez entendu ce qui se passe ? Je ris !» Et on avait ri avec lui, nous. Et il nous disait « Mais ça fait combien de temps que j'ai pas ri ?» Alors ça, je pense que dans l'accompagnement d'un prisonnier... Il faut que les choses aillent aussi loin que ça quand c'est possible. Et là, on n'a pas regretté, là, mon ami et moi, d'y être arrivés. Mais je crois que c'est le climat. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais on a tous été pris dans ce climat d'amitié soudaine. Et on a su, donc, à partir de ce moment-là, que ça allait continuer. Alors, évidemment, il nous a posé la question, est-ce que le CSIA... pouvait lever des crédits pour payer un avocat. Il a fallu lui dire cette vérité que le CSIA était quand même une petite association qui avait obtenu au niveau de la reconnaissance des peuples autochtones à l'ONU une bonne appréhension de la part des prisonniers, mais que malheureusement, elle ne vivait que de que du paiement des cotisations de ses adhérents et que qu'on allait se renseigner. On m'a toujours dit qu'il y avait aux États-Unis des avocats courageux qui acceptaient de défendre la cause de gens comme lui. Alors je lui ai dit que j'allais chercher. Ça fait 10 ans que je cherche, mais j'ai pas encore trouvé. J'ai peut-être eu quelque chose qui a teinté aux journées d'octobre. J'ai parlé à des gens qui ont acheté des cartes des cartes, des dessins. Des cartes faites à partir des dessins qu'il nous envoie. Il dessine bien. Il a vraiment un talent. Et ces cartes, eh bien, je les vends sur les tables de presse, alors toutes les fois qu'on en a la possibilité. La prochaine fois, ça sera sans doute un marché de Noël. Et les gens en question, qui sont cinéastes, d'après ce que j'ai compris, le monsieur a dit à sa femme, il faut qu'on en parle à... Et là, il me parle d'un ami aux États-Unis qui serait avocat, mais eux le connaissent surtout en tant qu'artiste. Mais enfin, ils m'ont dit qu'ils allaient se renseigner de ça. On a échangé nos adresses, nos numéros de téléphone, etc. Et maintenant, j'attends de leur part peut-être quelque chose de nouveau. Mais jusqu'à maintenant, on a affaire à un homme qu'on ne voit plus malgré le temps qui passe. Comme il était avant, agressif, il supportait mal... L'incarcération, évidemment. Là, il est devenu vraiment très, très cool. Je suis toujours surprise de ça. Enfin, d'ailleurs, nous sommes son comité de soutien et il nous a donné ce nom fabuleux de la famille du cœur. C'est ça, c'est important justement important d'avoir des... Parce que sa famille, il a quand même complètement plaqué le jour où... Quand tu disais que justement, tu étais toujours impressionnée par sa capacité à pouvoir tenir et à subir toutes les épreuves, tu avais raconté justement que pour lui, ça avait été important de savoir qu'il y avait de la solidarité, qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à lui, que ça lui avait le fait d'être connu comme un être humain qui comptait. Oui, il a dit dans une lettre, si j'ai bonne mémoire, quand on sait qu'à des milliers de kilomètres, il y a des gens pour qui on est redevenu quelqu'un, ça change tout. Alors effectivement, un type qui a cette capacité, enfin la prison, c'est quand même pas un lieu d'insertion, mais un homme qui a cette capacité de rebondir tout simplement parce qu'on est à côté de lui, je crois que l'accompagnement d'un prisonnier, c'est ça. Il faut les aider à survivre dans ce milieu inhumain que sont les quartiers de haute sécurité, surtout au Texas et en Arizona. Là, c'est l'Arizona. On ne peut pas dire qu'ils sont dans un endroit très, très cool. D'ailleurs, il y a eu une observation des droits de l'homme qui dit bien que dans les QHS, on est souvent maintenu là, non pas en fonction de quelque chose qu'on a commis, mais en fonction de ce qu'on est et de ses convictions. Alors, effectivement, on n'a pas toujours la bonne couleur. Depuis combien d'années est-il en prison ? Eh bien, il est en haute. Il a été incarcéré. Il avait 19 ans en 1978. Il a donc été en population générale au début. Et il est en haute sécurité depuis 1987. Il a 36 ans d'incarcération en tout. Les deux tiers de sa vie. Et justement, une nouvelle famille de cœur et aussi... Ah oui, on est la famille du cœur. Et aussi une mère. Raconte-nous cette histoire du fait qu'il t'ait demandé. Oui, je pense qu'il est tellement en rade au point de vue familial qu'il cherche à reconstituer. On se rend compte dans les lettres, le ton, c'est vraiment un ton d'affection qu'on a avec sa famille. Et c'est ce ton-là qu'il emprunte avec la plupart de nous qui le faisons vivre. Puis vous êtes plusieurs à vous... On est cinq à pouvoir lui envoyer un mandat tous les deux mois qui lui permet de se nourrir... de se nourrir un peu mieux, parce que c'est horrible. Hein, c'est la chaîne froide. Ils reçoivent un plateau pour la journée avec un seul repas chaud. Et là, il a même le sens de l'humour. Il m'a expliqué ce qu'était le repas chaud avec toute une présentation. Et ben, c'est un espèce de brouet tiède qu'on leur donne le matin en guise de petit déjeuner. Mais à partir de là, ils n'ont plus rien de chaud. Donc, de toute façon, eux, après, ils sont obligés, effectivement, d'avoir des aides. Oui. Et alors, là, maintenant, avec l'argent, là, ben, il se nourrit mieux. Il avait au départ des symptômes de maladie de carence alimentaire. Il a perdu des dents. Il saignait des gencives. Et maintenant, tout ça, c'est en train de s'arrêter, bah parce qu'il achète les compléments. Ouais. Quoi. Alors là, on sait quand on lui envoie de l'argent qu'on l'aide à manger, déjà. Hein. Et donc, vous lui écrivez tous régulièrement, et toi en plus, où il y a une lettre du comité, régulièrement. C'est-à-dire, il fait une lettre à son comité de soutien, alors qu'on ventile à tout le monde. Alors, on a une amie qui ventile à ceux qui ont Internet. Et moi, je fais des photocopies, pas beaucoup, mais j'en ai quand même 4 ou 5 de gens comme moi qui ne sont pas équipés d'Internet et à qui je l'envoie, en ajoutant à chaque fois une lettre d'accompagnement qui reprend ce qui me paraît important dans ce qu'il nous a dit dans sa lettre. Parce que je crois que ce que je me rends compte au bout de 10 ans, il faut quand même... réimpulser continuellement, même avec des gens qui ont l'air d'être bien convaincus, Il y en a deux à qui j'ai téléphoné il y a une semaine en leur disant « Mais qu'est-ce que vous foutez ? On n'a plus de leurs nouvelles. Ils n'écrivent plus. » Alors Thomas m'en parle. Quand il n'a plus de nouvelles de tel ou tel, je décroche le téléphone et puis on essaye de... Mais il faut le faire. Et du coup, justement, en rentaine, tu nous disais qu'il n'y avait évidemment pas de famille autour de lui, mais que petit à petit, il y avait des gens qui étaient en train de prendre connaissance de son existence, puisqu'en fait, ça avait été plus ou moins nié. Ce sont des enfants de son vieil oncle qui sont venus revivre en Arizona, qui ne le connaissaient pas, des gens qui étaient partis très jeunes au moment où il était incarcéré, et qui commencent à s'intéresser à lui. Et moi, je suis très attentive à ça parce que il faut prévoir un peu l'avenir et puis ne pas désespérer de le voir sortir un jour. Hein. Là, il aura besoin de quand même quelque chose de plus qu'un comité de soutien français. S'il a une famille qui peut s'occuper de lui à sa sortie, c'est là-dessus que je table surtout. Parce qu'il n'y a pas d'autres collectifs qui sont sur place. Il n'y a pas eu aux États-Unis. Oui, par exemple. Ah non, non, non. Je dis ça parce que quand nous on parle des apatistes et de l'autre campagne, il y a justement le réseau qui est concentré sur l'activité contre la lutte pour la liberté Alors, des prisonniers politiques. Je vais faire avec la famille dont je fais la connaissance. Mais je vais faire avec la famille ce que je fais avec, avec les copains du comité de soutien, quoi. Il faut perpétuellement réinsuffler un peu l'énergie, quoi. Mais je pense qu'il y a, voilà, je pense qu'il faut essayer aussi de trouver des comités sur place, parce que je pense qu'il y a des choses qui bougent, justement. J'étais en train de parler de ce réseau de lutte pour la liberté des prisonniers politiques qui dépasse les frontières du Mexique, qui, du coup, est un des réseaux qui fonctionne bien. Où c'est au moins, en tous les cas, tenir et avertir tout le monde quand il y a un prisonnier qui est en danger, essayer de se mobiliser. Il y a des pressions qui sont faites, des fois, au niveau international, qui sont importantes quand ça peut prendre de l'ampleur. Et je pense qu'il y a aussi peut-être moyen de diffuser... Je suis en relation aussi avec un de ses amis apaches, comme lui, qui est un homme assez sûr... et qui lui écrit beaucoup, qui vient le voir aussi, et qui participe à des pow-wow où on en parle. Alors, quand c'est comme ça, il reçoit une montagne de cartes. Alors, ça lui réchauffe un petit peu le cœur. Mais ça, c'est ce qui se passe là-bas, et ça m'intéresse. Voilà. Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est ça, mais c'est déjà bien d'avoir... Et ce copain-là, ça a l'air d'être un type vraiment très, très bien, quoi. Ben, bravo, Geneviève, pour... d'accompagnement. On va faire une petite pause musicale avant de passer sur le Chili et les Mapuches en particulier. Donc merci beaucoup Geneviève, merci Greg pour tous les montages. On fait une petite pause musicale et on enchaîne, vous êtes toujours sur FPP. Thank you. posible. Es un asombro naciente. Somos la resistencia. Somos la resistencia. Somos la resistencia. FPP 106.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, comité, programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On continue, et vous avez écouté, bien entendu, ça fait 6 mois qu'on vous le passe, le groupe Resistencia de México. On est trop contents de l'avoir, ces petits morceaux-là. Donc, on va vous les passer tant qu'on ne se lasse pas. Resistencia, on continue avec... Donc l'enregistrement qui a été fait le 12 octobre, peut-être que tu peux le présenter, Nestor, t'étais là justement, il s'agit de l'intervention sur les peuples mapuche. C'était le 12 octobre qu'on a pu inviter. Je voulais remercier l'invitation pour pouvoir parler un petit peu de la situation des mapuche au Chili. Il y a beaucoup d'informations sur la répression qui a tombé sur différentes communautés mapuche au début de ce mois-ci. Avant, je pense que ça serait bien de revenir au 12 octobre où tu es intervenu et en même temps également deux personnes dont on va parler. C'est vrai que grâce à l'invitation du comité Saint-Dien de Sabélic, et nous avons eu l'occasion d'intervenir en face de 80 personnes à peu près. Et l'intervention, ça a été très simple. Montrer directement la réalité que souffrent et que supportent les Mapuches qui sont en train de résister la pression de l'État pour la récupération de leur territoire, qui sont occupés par l'État, et que son territoire qui officiellement appartient aux communautés mapuche. Mais la situation, elle est assez chaude. Il y a beaucoup de communautés. Chaque communauté peut avoir 10 ou 15 familles, ou peut avoir 100 familles, ou 150. Et chaque communauté, il y a lutte. Il y a plus de 25 communautés qui sont dans différentes parties de Gualmapu, le territoire mapuche, à lutte pour la récupération de terre. Il y a plus de 2000 policiers qui sont dans la région pour empêcher la récupération de terre. Et tout cela, on a parlé ce jour-là. Et les gens étaient bien réceptifs. Ils étaient bien réceptifs à s'informer la situation catastrophique des droits de l'homme pour les peuples indigènes au Chili ce jour-là. Et maintenant, donc, on va écouter la retransmission de cet enregistrement. Alors, je rappelle le nom des deux intervenantes qui accompagnaient Nestor, c'est-à-dire Ana Guevara, qui... Ah, pardon, c'est pas ça. Si. Ah, pardon. Ana Guevara, qui est anthropologue à la fois chilienne et argentine, et ensuite aussi Gabriela Chihuahilaf, qui elle est spécialisée dans l'étude de la création audiovisuelle des Mapuches du Chili. Voilà. Alors on écoute et on se retrouve dans 14 minutes. Je voulais simplement donner une bonne nouvelle à l'Argentine. Dans le temps de Neuquén, il vient de se produire un phénomène intéressant. La Cour suprême de justice de Argentine vient de reconnaître les droits des peuples mapuches comme peuples originaires et que ces peuples sont les propriétaires des terres qu'ils occupent et qu'aucune organisation, même l'État, ne peut pas occuper ce territoire. Donc, il y a 12 États actuellement qui sont reconnus ces droits en Argentine, et c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est la Cour suprême de justice qui vient de statuer d'une façon définitive que les terres qui occupent le peuple mapuche, les différentes communautés, appartiennent à eux, et que personne ne peut nier cela, et que ces droits sont garantis aussi pour la Cour interaméricaine de justice, comme aussi pour la Cour interaméricaine aux Nations Unies. Bien, merci à tous et bonne soirée. Et en fait, je voulais signaler aussi que ce qu'on a vu, c'est la première fois que je voyais ces films, c'est vraiment une bonne synthèse. Je pense voulais dire aussi à propos de ça, c'est la deuxième fois qu'il est projeté ici à Paris. C'était lundi dernier, puis aujourd'hui, alors voilà. C'est important de savoir. Et voilà, et c'est bien aussi de donner le contexte, parce que là, on les voit vers la fin, mais il y a un centre commercial. Il y a énormément de centres commerciaux au Chili. Et je me souviens à l'époque, parce que là, ça dénote mon âge, mais quand je suis arrivée, je suis chilienne argentine, dès l'Argentine vers le Chili, je suis arrivée justement où tous ces centres commerciaux s'installaient au Chili. Et je me souviens qu'à la télé, il y a une pub que tous les Chiliens ont oublié, sauf moi, il me semble. À l'époque, ils montraient en fait un petit espoir qu'on peut trouver partout en France, et on les montrait complètement vides, des gens. Et tout d'un coup, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, suite à ça, on voyait une grande image, un grand angle. On voyait ces centres commerciaux, il y avait plein de vie, où tout le monde était heureux, voilà, tous les enfants étaient vraiment ravis. Bien sûr, c'était tous blonds, parce que la télé au Chili, je ne sais pas, on est tous métis, mais on n'a que des blonds. Et du coup, on disait, mais oui, mais bien sûr, il n'y a personne dans l'espoir public, parce que tout le monde est au centre commercial aujourd'hui, c'est là où tout se passe aujourd'hui. Alors, quand je reviens sur ça, c'est une petite anecdote, mais qui dénote pas mal l'état d'esprit, surtout au Chili, par rapport à cette mémoire, en tant que peuple. Et en tant que peuple, en fait, qui doit cohabiter, parce que c'est ça, en fait, il doit partager un territoire qui est une grande partie de la population d'origine mapuche, des gens que vous avez pu voir et qui font un peu les indifférents face à ces revendications des mapuches qui sont avec des instruments et traditionnels et puis qui lèvent la voix dans son centre commercial, qui justement c'est un lieu, c'est pas censé, justement, on va au centre commercial pour tout oublier. C'est pas pour nous donner conscience de quelque chose, justement, c'est pour faire apparaître notre être consumériste. Et on voit que la majorité de personnes, il faut considérer, vraiment, ils les ignorent. Mais il faut souligner que de toutes ces populations qui les ignorent, je pense qu'il y a 70% de tous ces Chiliens-là et portent dans leur sang et un sang indien. Et du coup, c'est cette indifférence-là aussi qui fait que Chili soit un sujet encore très sensible, qu'il existe encore, il ne faut pas l'oublier pour les gens qui ne connaissent pas, il existe encore la loi antiterroriste qui était imposée et pénale à la dictature de Pinochet. Et cette loi, malgré les bonnes intentions, moi j'ai entendu l'autre jour à la télé qu'Eva Chile qui s'est présentée pour une deuxième fois, en tant que présidente qui est bien perçue par les Français parce qu'il s'est dit socialiste, il y a un côté, c'est vraiment bien en fait. Voilà. Oui. Elle a voulu, en fait, elle a dit il n'y aura plus des lois antiterroristes au Chili. Voilà. Alors que c'est sous son gouvernement où la loi a été le plus appliquée, où il y a eu plus radicale. Voilà, ouais. Le plus fortement appliquée avec les descentes de police dans les communautés et les assassinats de Matías Carrileo. Il n'y a pas longtemps, bon, ça c'était souligné là. Dès la fin. Oui, voilà. Donc après, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant avec les élections qui arrivent. Mais bon. Oui, mais c'est un pays des apparences, pour s'expliquer un peu, un petit peu résumé. Et justement, je pense que ces films, ce qu'ils montrent, c'est tous ces paradoxes du Chili. Justement, on joue, finalement, c'est une performance, mais avec énormément chargée aussi des haines, il y a une certaine haine, il y a aussi l'envie de partager qui on est, d'où on vient, mais pas par quelqu'un d'autre. Nous-mêmes, on prend les pouvoirs aussi, on prend la parole, et on dit au reste des Chiliens, écoutez-vous, vous tous aussi, vous savez un son, et ce qui vous refoulez, ou essayez de prendre la distance. Mais aussi, je voulais revenir sur un dernier point, et c'est justement qu'on voit en fait bien décrit dans ces films toutes les contradictions et toute la lutte du peuple, mais aussi, je ne voudrais pas non plus laisser de côté toute l'organisation et toute la résistance que les Mapuche ont réussi en fait, un temps c'est une des rares de la société civile, à part en fait les étudiants qui luttent pour une éducation libre et gratuite de qualité, c'est les seuls contestataires en fait au Chili, de la société civile. C'est les seuls qui disent non à un système imposé, un système ultra néolibéral, et ils s'organisent. En fait, moi je travaille de deux côtés de la cordillère, et en Argentine aussi, ils s'organisent avec d'autres associations, mais pas seulement avec des Mapuche. Avec des surtout en Argentine, avec des associations et autres, par exemple des gens qui n'ont pas de toit. Et il y a un beau projet que je suis depuis quelques années, qui se déroule en Argentine, à San Martín de los Andes, à l'intérieur d'un parc national, où les Mapuches ont réussi, en fait, à récupérer une partie de leur terre, mais au lieu de s'enfermer dans cette terre disséquée à nous, en fait, ils l'ont ouvert, ils sont en train de construire tout un. On l'appelle le barrio intercultural, c'est les quartiers interculturels. C'est-à-dire, c'est un quartier qui permet d'habiter tous ensemble, d'assumer des projets comme quoi, voilà, on revendique ce qu'on est, on invite d'être reconnu par ce qu'on est, mais aussi, on ne peut pas oublier qu'on habite dans une société où il y a des gens aussi qui ont été discriminés, qui n'ont pas de toit. Qui c'est des gens qui ont dû rester dans la rue ou des SDF parce qu'ils étaient aussi exploités de ces terres, que ce soit Mapuche ou non. Et là, je voulais souligner cet aspect-là parce que ça montre aussi la richesse et la diversité aussi de la lutte Mapuche. On ne peut pas réduire tout ça à une seule manifestation, mais moi je suis très contente de ce film parce que les mots après, on peut donner les généralités, mais c'est un très bon point de vue qui résume un peu la lutte des Mapuche aussi, et puis un regard de la ville, oui. Justement, oui, des Huarachés. Il y a une autre chose aussi qu'on voit souvent dans le film, peut-être c'est un peu difficile à comprendre, et il parle toujours d'incendie, d'entreprise forestière. Il faut savoir qu'à l'arrivée de la dictature militaire, dans le programme économique de Pinochet, il y avait aussi le développement et le soi-disant développement, surtout exploitation des ressources naturelles. Et à ce moment-là, il y a une implantation des grosses entreprises forestières qui vont justement dans les terres qui ont, un temps auparavant, bénéficié de la réforme agraire sous Allende et qui après, bien sûr, il y a un mouvement des contre-réformes et après, Pinochet installe toutes les entreprises forestières dans la 8e et 9e région, là où la population Mapuche et les communautés Mapuche sont plus fortement présentes. Et aujourd'hui, petit à petit, les terres commencent les entreprises commencent à grandir, à prendre des terrains qui n'ont pas été donnés pour l'État, pour qu'ils travaillent. Et puis, il y a d'autres conséquences aussi, qui est, par exemple l'assèchement des nappes phréatiques, et toute une conséquence par rapport au peuple lui-même, parce que, par exemple, il y a plus d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il y a des plantes médicinales pour les machis, par exemple, et tout simplement pour continuer à vivre, parce que la plupart des gens vivent de l'agriculture. Les chamans ou la personne qui s'en charge. Oui, la machis, ce sont les médecins traditionnels. Et donc, il y a toute une conséquence. Aujourd'hui, même, je peux vous dire que même la gauche chilienne ne comprend pas ça. De pourquoi les Mapuches s'en prennent aux entreprises forestières alors que c'est Pinochet qui installe tout ça. Et ils comprennent, et j'ai du mal à comprendre qu'ils ne comprennent pas justement cette lutte, parce que bon, ils l'ont vécu aussi pendant quelques années, presque 20 ans. Donc j'ai du mal un peu à comprendre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des. Si, je voudrais ajouter quelque chose. Des films, mais ce qui se passe aujourd'hui, les conséquences d'un système d'exploitation des terres mapuches. Parce que les mapuches actuellement vivent en 100% de son territoire, dans son territoire ancestral. Ça, c'est une vérité. La deuxième chose. Bon, je parle en tant que métisse, hein, parce que je suis mapuche chilien et mon grand-père c'était un lompo d'une île au sud du Chili et de l'île de, comment ça s'appelle, La Mocha, très français, c'est mon grand-père, Millapan. Bon, bref, je veux ajouter quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est le contexte général d'une exploitation des terres qui appartiennent au peuple mapuche. D'abord, tous les projets, les méga projets qui se sont installés au Chili, c'est l'hydroélectrique, thermoélectrique, et de la terre, des forestières, salmoneras, etc., etc. C'est des entreprises, pas seulement de sept familles qui sont au Chili, les sept familles qui sont les plus riches du pays, plus les transnationales. Et les transnationales, les multinationales, sont des entreprises qui viennent pas seulement des États-Unis, il y a d'Europe. Et c'est ça que je veux dénoncer ici. Parce qu'Areva, il veut, il y a pris une signature entre Sarkozy et Piñera, qui voulait exploiter les lacs Geo-Geo. C'est le lac le plus propre qui existe au Chili et même en Amérique du Sud. Parce que les fonds du lac ils contiennent des matériaux radioactifs, entre autres uranium, cadmium, etc. Je suis géophysicien, c'est pour ça que je peux le dire et clairement. Et justement, Areva veut mettre les mains là. La Lyonnaise d'eau, et la Aston, il y a aussi l'entreprise suisse. Sont toutes les entreprises françaises. L'autre jour, on a demandé à des députés, des sénateurs et des ministres français, on a demandé qu'ils surveillent ces entreprises qui veulent intervenir au Chili et justement dans les territoires mapuche. Et nous on condamne et on demande aussi, et on fait des consciences, et je le dis devant vous, pour que vous puissiez penser qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, de détruire notre nature, de détruire tout ce qui nous reste. Le peuple mapuche va continuer de pied, ça c'est clair. On se bat pour ça. Et bientôt je parle au Chili, bien sûr, parce qu'il y a mes frères qui sont là. Et les frères Huichuyan, il y a deux soeurs qui ont parlé avec eux. Ils sont bien sûr formalisés, c'est-à-dire vont être mis en prison, parce qu'ils sont accusés d'agression aux carabiniers. Il y a 300 carabiniers qui viennent investir la zone. Il frappe sur les mapuches, il frappe sur les enfants, sur les femmes, il tue les animaux, il les pique tous les matériaux pour travailler la terre, et voilà, c'est eux les agresseurs. Les mapuches sont les agresseurs, et maintenant ils sont formalisés pour être condamnés pour un délit d'homicide frustré. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui au Chili. Et sur notre peuple mapuche. Et à 521 ans de la lutte, de l'arrivée de ceux qui disent que nous sommes conquéris ou que nous sommes découverts, le peuple mapuche, c'est un des seuls peuples qui continue à lutter contre le système et contre les invasions. C'est ça notre réalité. Merci. Oui. 106.3 Fréquence Paris Pluriel, c'était la rencontre au CSIA le 12 octobre. On continue le programme, on fait juste une petite pause musicale et on continue avec les Nestor. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya! Hace más de 500 años nos levantamos que nos agachamos. El dueño frente al buque está el mismo que muchos nos ha robado. Y para poder callarme no basta la sed. armas ni las balas, porque yo traigo el neuen de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que mamo que nos prepara para poder hacerme frente al extranjero que ya no para. No te dejes amedrentar por la mentira del que te engaña. Guíate por tu neuen y el afán que te acompaña. La fortaleza de nuestro pueblo nunca ha caído, con la fuerza y corazón siempre resistido. Bajo represiones hemos dado la batalla. Yo soy mapuche resistiendo vaya donde vaya. Levantando mi cultura vida en los corazones, junto con mi afán oyendo wicca ladrones. Pero paso a paso yo me he mantenido firme, bajo los yugos del gobierno nunca voy a rendirme. Resistencia en memoria de nuestra gente, de los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes. Aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Formando cambio para que nuestras próximas generaciones no sufran lo que hemos vivido producto de discriminaciones. Mis ancestros lucharon hasta su muerte por defender nuestra mapu y a nuestra gente. Quisieron eliminarnos y no pudieron. Cambiaron nuestros nombres y apellidos no pusieron. Muchos cayeron en batalla y otros resistieron. Y esos otros se levantan como un grito de guerrero. Estratégico en ficción y a nuestro batallón. La represión está temblando con nuestra organización. Como duele, hermano, verte en celdas y juzgados y colonos en tu mapu con tu vida están lucrando, están matando, pero el pueblo milenario no acallando, está luchando. Amor por mi gente, resistencia, pueblo en vigencia, sangre, tierra, fuerza, la cultura y la creencia es lo que ha mantenido nuestra gran presencia. Mapuche en nuestras tierras, mapuche en nuestra esencia. Villamán que coge el micro para contarte el escenario que estamos viviendo. Digo lo que siento, canto lo que veo, la presión que estoy sufriendo como pueblo mapuche oprimido resistiendo. Muchos han intentado reducir a esta nación con golpes, restricciones, robo, engaño, usurpación. Matanza paulatina, evangelización es lo que pasa con mi gente, con el pueblo nación. Resistencia mapuche es lo que hoy no para, porque la fuerza de nuestro pueblo o ninguna ya se compara. No tengas miedo, peñi, de alzar la voz si sientes rabia frente al sistema chileno. Cóllatete contra tu raza. Marichueo, 10 veces venceremos y nos levantaremos como un solo pueblo. Lucharemos, rápidamente aplastaremos, mostraremos el neuen. Huichatuay con tu peñi, huichatuay la miel. Resistencia es lo que se ha vivido muchos años. No volveremos a aguantar ni sufrimiento ni engaño. Esa gente mapuche se está preparando para expulsar al huinca tregua que la tierra está usurpando. El kibu mantiene vivo el canto del peumafe. El raquifazo tiene el noche, la ciudad huaychafe. El azmapu mantiene el kibu del kimchefe. El aguantuay con mi chintengu y finca huafe. De resistencias como el canto del Chegol, levantamos nuestros guiños al llamado del Kulkul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el mapu, gulu, mapu se levantan en la guerra. Un pueblo fortalecido, no el recuerdo de la historia que ha construido el Kulka para borrar nuestra memoria, la cual mantenemos siempre viva y con mucha conciencia. Nuestro puño se levanta firme a la resistencia. Tierra, cultura, justicia y libertad, nuestra lucha, vida o muerte, igual vamos a recuperar. Resistiremos este huichan a los guerreros despertar. Somos un pueblo orgulloso, no nos van a doblegar. El camino es pedregoso de momento. Estado racista y ley antiterrorista no impedirá que el mapuche resista, resista, resista. Felipe Mai, Mai Weichan, Felipe Mai de Gakeldun, Felipe Mai de Rakiduan, Ichinta, Uweche Konach, el gato me quein, Chipape Tain, Nuenta Chiruan, Weichap Twain, Fentueta Puinkan, el Gaupakita, Imabu, Welutai Chino. Résiste à Fréquence Paris Plus 1 sur 6.3. Lich, te laisse présenter le groupe. Oui, bien, il s'agit du groupe Weche Keche, qui est un jeune groupe urbain mapuche, parce que malheureusement, étant donné que les terres ont été spoliées, les générations ne peuvent plus rester sur les terres pour pouvoir en vivre. Et beaucoup ont dû s'exiler, si on peut dire, dans les villes au Chili et surtout à Santiago. Et donc, il y a beaucoup de jeunes Mapuches qui maintenant revendiquent leur culture, mais qui l'associent, qui essayent de créer une musique qui soit à la fois inspirée de leur tradition, des instruments que de leur culture, et en même temps de la musique actuelle qui est devenue universelle, quoi. C'est le rap, c'est le rock, c'est... je ne sais pas s'ils ont la salsa, enfin, je ne me souviens plus très bien, mais enfin, tu peux en parler, Nestor. Ils vont à Santiago de temps en temps, il y a Valparaíso pour jouer, mais ils habitent en Padre Las Casas, qui est un territoire mapuche. Ils sont tous originaires de ces régions-là. Et dernièrement, le chanteur, il a chanté un cinéma important, un théâtre caupolicain, et il a joué seul avec deux, trois sentiments de musique. Il a eu un grand succès. Il est à peu près un mois et demi. Et ce groupe continue à se reproduire. Et tous ces disques ont été, on ne trouve plus. Épuisés. Ils ont été bien vendus et difficiles à trouver. Ils ont un grand succès et puis en même temps, ce sont des paroles très engagées et qui dénoncent bien la situation de spoliation, la résistance. Donc voilà, c'est universel comme thème. Parle beaucoup de la répression. Oui, la question du système, de l'État oppressif, répressif. C'est un groupe bien engagé. Et justement, donc, répression, c'est un peu la vague de la répression sur un bon nombre de pays. Donc, au Chili, vous pouvez peut-être nous parler de ce qui est en train de se passer en ce moment et des réponses qui sont données par les communautés sur place. Le problème, c'est que depuis deux ans, beaucoup de communautés en résistance contre la spoliation de leurs terres ont commencé des occupations productives, c'est-à-dire qu'ils occupent des terres qui étaient les leurs autrefois, avant Pinochet d'ailleurs, parce qu'en fait Allende avait fait une réforme agraire et avait donc donné des terres aux Mapuche, et aussitôt avec la venue de Pinochet, eh bien, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Gabriella dans l'interview qui a été donnée le 12 octobre, dans l'enregistrement qu'on a écouté tout à l'heure, Pinochet a instauré en 1974 un décret-loi Fomento Forestal, qui veut dire développement des forestiers, qui a donné carte blanche, donc comme je disais aussi tout à l'heure, à des entreprises forestières pour y planter à profusion sur de grandes étendues pins et eucalyptus. Et donc, voilà, ils ont été spoliés de leurs terres. Maintenant, donc, ils ont décidé de rendre productives les terres qu'ils occupent. Ce sont des terres donc qui sont maintenant aux mains d'entreprises forestières, mais il y a des morceaux qui peuvent et qu'ils occupent en y faisant aussi paître des troupeaux de brebis. Ça, c'est assez récent, puisqu'ils ont voulu commencer au moins une communauté à entreprendre la fabrication de fromage de brebis. Donc pour le 9 octobre, tu je veux intervenir avant que tu lises ces arguments qui étaient importants. Sur la situation actuelle, rappeler que le décret de loi 701 est émis par la dictature, ça a été signé pour 5 pour Pinochet et 4 chefs des forces armées. Jamais a été discuté pour le peuple chilien. Et ces expropriations, ces droits d'expropriation sur des terres mapuches, ce sont complètement illégales depuis le point de vue de la légalité traditionnelle. Parce que c'est simplement une décision politique faite pour un groupe militaire. D'une junte militaire, oui. Et justement, un an et demi après l'installation de la dictature. C'est important de préciser ça. La dernière information qu'on peut donner, c'est que le 9 octobre, c'était mercredi, c'était donc très récent, se sont produits de graves actes de violence de la part des appareils répressifs de l'État chilien qui, une fois de plus, ont violé les droits et la tranquillité d'une communauté, la communauté autonome Temuicuicui. par l'irruption et l'incursion, la militarisation violente de leurs terres, par des perquisitions et la destruction de leurs biens, de leurs cinq maisons, et de leurs plantations qu'ils possédaient sur les terres qu'ils avaient nommées récupération productive, et en anéantissant donc le contrôle territorial de leurs terres ancestrales. À la suite de la forte militarisation et des contrôles de tous les accès de la communauté, attaquant ainsi une fois de plus le légitime droit au libre déplacement, ces personnes, membres de leur communauté, ont été violemment détenues lors d'un supposé contrôle de véhicules. L'autorité traditionnelle, qui est le plus âgé, le Lonko, on appelle le dirigeant donc, de la communauté, Lonko Victor Keipul Waikil, qui est son porte-parole Jorge Wenchuyan, Victor Hugo Keipul Miyanao, Carlos Arzola Caro et Felipe Wenchuyan ont été donc présentés au tribunal de garantie de la ville de Coyipulli. Le Lonko et le porte-parole ont été laissés en liberté, tandis que les trois autres ont été transférés à la prison d'Angol pour y être inculpés le jeudi 11 octobre pour tentative d'homicide à l'encontre de carabiniers, ce qui n'était pas du tout... aucune preuve n'ayant été apportée, ils ont été depuis libérés, mais avec toujours un risque de procès pour cette occupation illégale de terres spoliées. Donc, pour l'instant, on est en contact avec leur avocat, et ils sont donc sur le qui-vive. En attendant, ils ont perdu leurs brebis parce que dans l'opération, des brebis ont été tuées. Et il faut qu'ils reconstruisent des maisons, il faut qu'ils recommencent tout à zéro. Ils devaient commencer la production de fromage au mois de novembre. Donc ils sont vraiment dans une situation assez dramatique. En dehors de ça, il y a d'autres prisonniers qui ont commencé une grève de la faim depuis le 15 octobre. Ils sont tous sortis en liberté. Pardon. Ici, Pardon pour les micros. Ils étaient arrêtés, mais ils ont été libérés. Oui, ils ont été libérés pour l'instant. Mais il y a d'autres prisonniers politiques mapuche, dont deux jeunes qui sont en prison depuis un an et un mois en attente de leur procès. Ils sont en détention préventive. Les détentions préventives peuvent durer jusqu'à un an et demi. Avant que les procès traînent. En fait, toutes ces opérations sont destinées à terroriser, à empêcher la résistance, à décourager toute résistance, toute mobilisation pour récupérer les terres. C'est le problème qui se pose, c'est comment faire que les récupérations de terres puissent se faire d'une autre manière, et c'est ça, c'est la défense territoriale. Je voudrais aussi dire que malgré toute cette terrorisation de la population mapuche, il y a beaucoup d'actes de séminaires, par exemple, de rencontres qui se déroulent dans des villes du territoire mapuche, comme le Temuco, comme il y a aussi Concepción, beaucoup. Et ils participent aussi des non-mapuche, des historiens qui viennent de Santiago et qui participent. Il y a aussi une nouvelle génération de Mapuche qui ont fait des études, qui ont pu, certains sont même allés en Argentine, parce qu'il ne faut pas oublier que les études au Chili sont très chères, que c'est le modèle états-unien, c'est-à-dire que les gens doivent s'endetter pour pouvoir faire suivre les études à leurs enfants. Donc, il y a un enfant par famille qui peut suivre des études, les autres en sont privés. Donc, il y a maintenant une génération où il y a des avocats mapuche, des sociologues, anthropologues. Donc, ça change beaucoup. Oui, non, et des enseignants. Il y a quelques journalistes. Parce qu'il y a des écoles. Je me suis renseignée sur une école mapuche qui nous a été recommandée pour les soutenir, puisqu'il doit s'étendre. Et en fait, le Jorge Wenchuyan qui est venu, parce qu'un de ceux qui a été arrêté dans cette razzia policière, parce que ce n'est pas des policiers, c'est vraiment des militaires. Il y a des hélicoptères, il y a des véhicules blindés qui arrivent, c'est vraiment terrible. Et Roger Wenchuyan, qui était donc à Paris, puisqu'il a fait une tournée, et il est passé à Genève, et nous disait que dans l'école où vont ses enfants, il y a maintenant des enseignants Mapuche également. Il a dénoncé, un ancien sonné, la situation de répression qui existe. Et pour cela, quand il est arrivé, la police, en tant qu'ils l'ont reconnu, ils l'ont complètement tassé. Et donc, je pense que c'était aussi important de noter qu'il n'y a aussi pas que des Mapuches aux côtés des Mapuches, qu'il y a une sorte de convergence des luttes. Ça converge autour de luttes, de justement de grands plans, des grands plans d'exploitation, de surexploitation, etc. On est obligé de finir dans quelques instants. Là, on doit laisser la place. Peut-être que vous pouvez donner des coordonnées. Vous avez pour ceux qui connaissent l'espagnol, il y a un excellent site qui s'appelle mapuexpress.org qui donne beaucoup d'informations. Sinon, il y a le soutien au peuple mapuche, collectif de soutien au peuple mapuche qui a aussi des informations cette fois en français. Je voudrais aussi annoncer que le mardi 5 novembre, notre association Terre et Liberté pour Arauco sera au cinéma La Clé de 20h à 23h. Ça se trouve 21 rue de La Clé, métro Sancier-d'Aubenton. Voilà, il y aura projection, débat et le 5 novembre. Repas solidaire. 5 novembre à La Clé, Terre et Liberté pour Arauco. Merci Geneviève, merci Greg, merci à tous et on se retrouve FPP Jungle des Luttes.